connaître sa programmation, ça peut empêcher l'intégration parce que l'ego psychologique va vouloir éviter certaines choses par lesquelles il est programmé pour passer, puis c'est nécessaire. Faites confiance à votre esprit, dans le sens qu'il y a quelque chose en vous qui est réellement intelligent, qui va vous faire subir des choses pour votre intégration, pour que progressivement vous deveniez plus créatif, puis plus en contrôle, vous, de votre vie. À ce moment-là, vous devenez de plus en plus votre propre programmateur. Puis ça devient, la programmation devient secondaire. Moi, je vois pas d'autre chemin. Donc, parce que là, si je me mets à d'où vient notre programmation, comment peut-on la connaître, ça devient dangereux, je trouve. Parce que ça peut engendrer de la subjectivité.